En Corée, une affiche illustrée vient d'être publiée pour les 21e floralies de Kim Jong-il, prévue à l'occasion de la journée de la brillante étoile, fête suprême de la nation coréenne. L'affiche montre la fleur d'honneur Kim Jong-il avec à l'arrière-plan le pic Jong-il et la maison natale du général Kim Jong-il à l'ancien consacré du mont Paektun, lieu sacré de la révolution coréenne. La partie supérieure porte les mots « Le grand dirigeant Kim Jong-il est toujours avec nous » et « Journée de la brillante étoile » ainsi que l'emblème des floralies avec les feux d'artifice au-dessus du pic Jong-il. À la partie inférieure sont écrits les mots « 21e floralie de Kim Jong-il » avec l'indication de l'endroit et de la durée de l'exposition.